pembeni mama, ya pembeni mama Angel. Na patula ya peli mwinda, ya peli mwinda Na volulinda ya pembeni mama, ya pembeni mama Angel. Sanité, la bâti mama géo. Nani au pami, pola, coloca, yo, maman, c'est caé. Oh, oui, vidéo. Passi la mate mao, la voix sanitaire, la bâti mama géo. Sa mère, voix sangui, sa bateau, la bateau. There you go, Mpia Bakuba, the trio.